voulait que j'tape en croisant diplôme premier boulot. Rabat col boutonné, j'en croisais derrière mon bureau. Mais l'alcool le cache, la weed les bitches comme attrape Nigo. On fait de moi ce que j'suis devenu, un saugrenu putain de négro. Et puis tout comme tous tes colliers, désemparés d'aucun secret. J'traîne avec mes semblables, tout le monde remballe pour les mêmes secrets. Comment puis-je prouver ce que j'vaux si leur valeur me correspond pas? Plus de pression, cherche plus à perdre, puis la déception des remparts. Trop d'échecs scolaires, colère, oh merde, dandy. Je sais, je serai, je l'étais, je fous la demeure, sa mère. Fuck, cherche-moi un rapide, me tirer comme les munitions d'un Glock. À croire que je suis baisé, plus d'avenir, ouais, je les vois venir, mais je n'ai pas de regrets. Je sais que je vais devenir, donc n'aie pas me dire quand couille se barre ma life. Profite ma beautiful day, beautiful day. Quand l'enveloppe est pleine de jours de paye, je compte l'oseille, fais péter les dailles. M'approche de l'enfer en tutoyant le ciel, nigga. Ils parlent de Dems, nigga. Ils disent que sur Dems, nigga. J'ai déjà trop de blèmes, nigga. Putain de merde, nigga. Damn, nigga. L'homme est à le policier, l'homicide est imminent. Ma vie tient un fil de nylon. Ils dansent le million pendant que je tape pour le million. Oui, mon nez, il y a assez pour beautiful day. Profitez jusqu'à mon beautiful day. Pour l'instant, je n'ai qu'une beautiful day. Je profite encore de ma beautiful day. Avant chaque sortie, on s'abonne. J'ai la vie d'une soirée mousse. Une grosse bouche anglo. Saxonne, je fous mon bec comme dans sa bouche. Un jour tu pleures, un jour tu ris. Un homme qui meurt, un autre vit. Un gros flingue dur, genre mon habit. Bang bang au pitié. Désolé pour ce que je fais au sexe féminin sans le vouloir. J'ai tendance à confondre toutes les femmes à celles du trottoir. Pourtant je fais des efforts, je suis passé du snack au restaurant. Mais trop vu la mort de presse, plein que je tire une tête d'enterrement. Pro de proche que je perds, colère, oh merde.